Bonjour Aurore. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah écoute, très bien. Troisième épisode d'Oké Ciné. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a parlé pas mal de films d'animation. Là, on va changer un Oui. petit peu quand même. Oui. Bon, même si on aime bien les films d'animation. Mais là, voilà, on va parler d'un film et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du septième film d'une saga commencée en 1998, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voire même plus que ça. Même plus, il y a Plus la que ça, série juste avant, hein. 83 même. Et puis oui, il y a eu la Il y a série une aussi série avant, ouais. avant. Donc il s'agit de Mission Impossible. Donc là, on va vous parler donc de Mission Impossible 7, partie 1. Dead Reckoning, c'est la première fois qu'un épisode de Mission Impossible est décomposé en deux parties. Donc qui est sorti le 12 juillet dernier, donc c'est assez récent, avec forcément Tom Cruise. Alors, cette fois-ci, dans quelle aventure il est embarqué, Ethan Hunt? Alors, Ethan Hunt et son équipe de l'agence Mission Impossible se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qui l'aiment. Attention là. On pourrait presque tin, tin, faire la petite musique, on l'a tous en tête. Alors, qu'en as-tu pensé, Aurore? Ah, je l'ai trouvé très bon. Ouais. Bon, évidemment, hein, ça tient les courses-poursuites, tout ça. Voilà, hein, c'est typique de l'univers Mission Impossible et des blockbusters en général. Il court beaucoup. Il est encore en forme pour son Ouais, il âge. court beaucoup. Mais oui. Il court beaucoup, en effet. Je te rejoins sur les scènes d'action. Ils essayent à chaque épisode, voilà, de faire des scènes d'action encore plus folles, Oui. toujours plus ou moins sans trucage, Oui. parce qu'il est quasiment, pour ainsi dire, pas doublé, hein, je crois, il me semble, Pratiquement pas, non, pratiquement je pense pas. pas. Après, dans les scènes d'action. Ouais, elles sont pas mal. Après, on a encore une scène de train. Alors, je ne sais Oui. pas ce qu'ils ont, les Américains, avec les trains. J'ai l'impression qu'on en voit presque dans tous les gros blockbusters américains. Oui, mais je sais pas si c'est pas un hommage, enfin j'ai pensé à ça, notamment bah, le train qui tombe du comment dire? Du pont. Tu sais, il y a une scène, un vieux film, c'était, si je me trompe pas, c'est une des scènes qui a coûté le plus cher, où justement ils ont fait tomber un vrai train d'un pont. Je sais plus du tout le nom du film, j'avoue que ça ne me revient absolument pas. Mais c'était une des premières scènes de cascade, et c'était une des scènes les plus chères de l'histoire. Ça me dit quelque chose et je ne sais pas pourquoi là tout de suite ça me fait penser à The Fablemans de Steven Spielberg puisque Oui, tout est et parti bah de là c'est et du je coup crois que oui c'est bien c'est oui c'est c'est ce ça film-là doit être ce et film-là, j'ai pas ouais. le film en tête mais du coup j'ai le film de Steven Spielberg puisque en effet il a entre autres aussi eu goût pour le cinéma puisque voilà étant plus jeune il avait vu ce film je crois que c'est son premier film et en effet il y a cette fameuse scène où on voit un train Non, il se déraille, il crasher tombe qui déraille pas, ouais, et il tombe oui pas ouais du pont, mais non. je sais plus exactement le nom du film, Donc mais oui, c'est ouais. peut-être C'est un peut-être hommage, ça, hein, c'est c'est peut-être ça, possible, ouais. hein, probablement. L'histoire, très actuelle. Oui. Ah bah oui, bah l'intelligence artificielle, on est en plein dedans, On est en hein. plein dedans. C'est assez ironique d'ailleurs le fait que les acteurs fassent la grève à propos de ça, et puis là ils en parlent dans le film. Oui, c'est Ça vrai. tombe bien, Et oui, ça mais tombe ouais. à un point nommé. Donc non, franchement, l'histoire se suit hyper bien. C'est ça que j'aime bien dans Mission Impossible, même dans les précédents opus, c'est que les blockbusters américains, souvent, c'est assez téléphoné, hein, les histoires. Alors que là, on a vraiment quelque chose qui tient la route, qui nous tient en haleine, et qui est hyper intéressant et actuel. Et ça montre que on peut faire du bon blockbuster américain avec des belles scènes d'action et en même temps avoir quand même une histoire bah, pertinente. Oui, et puis du fait qu'on sait que voilà, Tom Cruise fait la plupart de ses cascades. Bon, il y a effectivement, il y a de la sécurité autour, etc. Mais ça rend la chose encore plus vraie. Notamment, bah, c'était le cas pour Top Gun Maverick. Oui, c'est ça. Comme on sait qu'ils ont été en quelque sorte un peu dans les avions, tout ça, et qu'il y a vraiment des vraies cascades avec les avions, ça rendrait le truc encore plus vrai. Et là, c'est le cas aussi dans les Missions Impossibles. D'avoir vu notamment la cascade avec la rampe sur la montagne, C'est, même si la montagne, je sais pas si c'est ton avis, mais je trouve qu'elle rend pas très bien quand ils l'ont refaite. C'est vrai, c'est pas elle est très bizarre. La meilleure scène. Je ouais. t'avoue ouais, qu'elle ouais, est vraiment bizarre. Ouais, ouais. Mais par contre, voilà, le saut, on sait qu'il l'a vraiment fait. Et je trouve ça vraiment très, très. Ah bah oui, voilà, dès qu'il saute, oui, on c'est spectaculaire. En fait. Oui, oui. C'est ça, on sait qu'il le fait. Et même, on voit qu'il s'éclate avec le parachute. Hein. Franchement. Ouais, la deuxième scène avec le parachute où il atterrit tranquillement, tu vois qu'il s'éclate bien. Bon, en tout cas, le spectateur aussi s'éclate bien puisqu'on on prend un pied monumental. C'est le plus long de la saga ce jour quand même, 2h43. Oui, oui, j'ai un moment en fait, je connaissais la scène, tout ça, je savais qu'elle allait être dans la première partie et elle n'arrivait pas. Et j'étais là, mais il dure combien de temps? J'avais l'impression. Enfin, il était long, mais à la fois. Je savais, enfin, j'avais l'impression qu'il était, voilà, il avançait très bien, il a un très très bon rythme. Mais du fait que j'étais en mode, mais elle arrive quand cette scène? Elle va arriver. Moi, j'ai pensé que ça allait être juste la scène de fin et on allait couper là-dessus. Étant donné qu'il avait tellement teasé, tellement montré que du coup, je me suis dit, bon, bah, on va couper là-dessus, ce serait peut-être logique. Et non, je vois qu'on continue et tout, et je dis, mais il finit quand? Enfin, c'est pas possible. Mais oui, effectivement, il est long, mais le bon rythme. Oui. C'est un bon rythme. Oui, ouais, y a vraiment un bon rythme, et bah, on retrouve bien évidemment les précédents acteurs qui ont fait le succès de la saga. Donc, on a Ving Rhames et Simon Pegg, notamment, et Rebecca Ferguson qui les avait rejoints. Dans le cinquième, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'était son troisième film. Elle a un super rôle également. Oui. Et il y a quand même des nouveaux, notamment une nouvelle, et pas des moindres, Ellie Atwell. Alors, bien connue pour les fans de Marvel, pour son rôle de Peggy Carter. Mais alors, franchement, elle tient la dragée haute à Tom Cruise. Hein, parce que vraiment, parfois, je trouve que dans certaines scènes, on voit plus... que lui, et je trouve ça bien parce que c'est Tom Cruise, mais voilà, comme tu dis, la passation, Bon, après, voilà, il y a Pomme aussi qui est pas qui est, oui, exactement, Pomme Clémentieff, voilà, qui joue Mantis, pareil, c'est ça, bah oui, c'est pour ça, dans la saga Marvel, dans les Marvel, qui joue aussi très bien, qui se bat très bien, très très bien. Ouais, donc franchement, il y a le girl power dans ce film. En tout cas, évidemment, c'est un peu d'actualité aussi. C'est un peu d'actualité aussi, donc non, franchement, le réalisateur, c'est toujours Christopher McQuarrie, donc ça, c'est plutôt bien aussi. C'est qu'on a quelqu'un qui connaît la saga, qui l'a aussi relancée. Hein, clairement, il y a eu 3-4 épisodes et puis après, c'est revenu sur le devant de la scène et ça ne s'essouffle pas. Non, parce qu'à chaque fois, il met encore un pied vers l'avant, quoi. Il monte toujours, enfin, il va toujours plus haut. Et même, enfin, tu parlais de Ellie. Je trouve son personnage assez étrange parce que il y a des moments où, tu sais, elle paraît complètement perdue, complètement sans défense, et autant des moments où elle se bat et c'est normal, en fait, c'est qu'elle se débrouille extrêmement bien. Et il y a un peu ce double personnage tout le long du film. Où elle fait un peu la femme sans défense, qui a besoin d'être protégée et tout. Et tout d'un coup, tu vois qu'elle n'a pas du tout besoin, en fait, d'être protégée. Et au contraire, qu'elle se débrouille extrêmement bien. Ouais, elle a un peu, comme tu dis, y a une certaine dualité dans son personnage qui n'est pas inintéressante, cette dualité. Et on retrouve aussi, pour continuer sur les actrices, dans le film Vanessa Kirby. Oui. Aussi, qui jouait déjà dans le précédent film, qui joue très bien son rôle également. Peut-être légère déception, et c'est vrai que les critiques sont assez unanimes, c'est sur le méchant du film. Oui. Alors, c'est un acteur qui est bien connu également. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Ese Morales. Moi, personnellement, voilà, l'acteur en lui-même, je trouve qu'il joue bien, enfin, c'est pas le problème, mais je sais pas. Je sais pas si c'est son personnage ou la façon dont il est amené, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a quand même eu des méchants beaucoup plus importants qui en imposaient davantage que lui. Il en impose pas, effectivement, pas beaucoup, mais en fait, on le connaît pas. Non, c'est vrai. De tout le film, en fait, on sait qu'il y a eu une histoire dans le passé avec Tom Cruise, mais enfin Ethan Hunt, ouais. mais on le connaît pas en fait, on nous dit pas qui c'est à aucun moment en fait, on sait juste son prénom et c'est tout. Et ouais, je pense que c'est aussi le but du fait que ce soit en deux parties, mais oui en fait on le connaît pas du tout et du coup il paraît pas impressionnant, on sait pas ce qu'il a fait avant en fait. Et ouais, pour un méchant, c'est bizarre. Parce qu'au contraire, nous, on est habitués justement à toutes les origin stories, tout ça. Et là, au contraire, on a un méchant qui arrive et puis qui dit bah, on voit très bien que Ethan Hunt en est effrayé, mais on ne sait pas pourquoi. Non. Enfin, pas vraiment, en tout cas. Pas vraiment. C'est un peu, mais pas vraiment. Après, c'est pas inintéressant non plus. Voilà, ça rend aussi un peu le méchant énigmatique. C'est ça. Et. On espère en tout cas que dans la dernière partie, voilà, on va en savoir davantage. Oui. Et je pense qu'il sera aussi plus présent, bien évidemment. Hein, et puis c'est forcément, bah voilà, il appelle le fantôme, c'est aussi la frustration de lui, c'est tout et nous rien en fait. Et tout le long du film, en fait, on en sait quand même un petit peu plus que Ethan Hunt, par rapport à notamment ce que ouvre les clés. mais, comment dire. Lui, il sait tout. On a l'impression qu'il sait tout ce qui va arriver. Bon, pas exactement, mais il sait pratiquement tout ce qui est arrivé. Il a déjà vu pratiquement toutes les variables. Et nous, en fait, on sait rien et on se dit, mais est-ce que c'est prévu ? Est-ce que... Enfin, voilà. Et je trouve ça extrêmement intéressant du fait que, bah, du coup, on sait rien sur lui. C'est vrai, c'est intéressant et en effet à la fois déstabilisant. Donc oui, forcément, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce ressenti. Bon, en tout cas, je pense que c'est le film à voir en ce moment. Oui. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a deux autres auxquels je pense. Mais en tout cas, voilà, en termes de blockbuster, mais en même temps qui a une certaine profondeur et qui ne déçoit pas, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut quand même prendre en compte que c'est quand même le 7e film d'une saga. C'est ça. Donc on pourrait se dire au bout d'un moment, oh là là, ça s'essouffle. Ouais. Et alors, pas du tout. On a hâte d'avoir la suite. Alors, il va falloir attendre un an, puisqu'elle est prévue fin juin 2024. Ouais, après, ça va être peut-être repoussé, hein. Avec ce qui se passe en ce moment, je pense que ça va être assez compliqué. C'est possible que voilà, la suite ça soit repoussée. Alors logiquement, ça sera le dernier film de la saga. Logiquement. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Je sais que Tom Cruise a déclaré qu'il aimerait bien faire des Missions Impossibles jusqu'à ses 80 ans. mais effectivement, ouais, c'était prévu que ce soit le dernier film de la saga. Normalement. Après, faut pas faire l'opus de trop non plus. Non, c'est ça. Ouais. Je pense que faut bien finir. Faut bien finir parce que c'est souvent le risque. On l'a vu parfois avec certaines sagas qui relancent et finalement, voilà, c'est du déjà vu, du réchauffé. Je pense notamment à la saga Jurassic Park avec Jurassic World. Bon, ça vaut pas la trilogie originale, quoi. Les c'est sûr. Fast and Furious aussi là, le dernier apparemment. Oui, ouais, le Fast X là. Ouais. Ah, ouais, oui. Au bout d'un moment, bon, déjà Fast and Furious, ça commençait déjà à sentir le réchauffé. Il y a déjà quelques épisodes. Là, il tire sur la corde encore plus. Alors voilà, là c'est pareil. Il en reste encore deux parce que normalement, pareil, ça devait être une suite en deux parties et finalement, ça sera en trois parties a priori. Donc, il va aller jusqu'au 12e. Donc, bon, bref, ça ne s'arrête jamais, ça aussi. Non, mais c'est dommage parce que Fast and Furious, ça a très bien démarré. Oui. Il y a eu une acmé avec le 7e, malheureusement, avec la disparition de Paul Walker. Et puis après, c'est devenu blockbuster. Ouais. Ah oui, c'est devenu que du blockbuster, scène d'action. Mmh. Alors là, pour le coup, l'histoire, faut pas la chercher. Ouais. on met son cerveau de côté. Mais bon, après, voilà, ça fait le taf, si je puis dire. Mais bon, c'est dommage, quoi, parce qu'on peut mieux faire. Oui. Donc voilà, allez voir Mission Impossible 7, partie 1 d'Edric Conning. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu les précédents. Non. Mais c'est mieux. Bah, pour Vanessa Kirby. Voilà. Voilà. Et Rebecca Ferguson aussi, un petit peu, qui était présente. Mais sinon, c'est pas une nécessité. Non, franchement, non, ça va. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Parce que c'est vrai que parfois, quand on se dit, alors, voilà, est-ce que je dois me retaper tous les 6 premiers et tout ? Non, là, c'est pas une obligation. Non, non. Mais c'est mieux, en tout cas. Oui. Voilà. Mais si c'est votre première Mission Impossible, je pense que ça va vous donner envie de voir les précédents. Oui, oui. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est la com autour. Bah, on a eu la rampe, mais il n'y en a pas eu énormément. C'est vrai. Après, je pense que, enfin, il s'est fait extrêmement effacer par là le combat des deux derniers films, enfin, de Oppenheimer et Barbie qui sont sortis, bah, du coup, qui sortent le même jour. Du coup, bah, ça a fait extrêmement parler. Et Mission Impossible, qui sortait la semaine juste avant, c'est à complètement été effacé. C'est assez surprenant, moi ça m'a vachement surpris. Effectivement, personne n'en parle. Non, c'est vrai. Personne et d'ailleurs, n'en parlait. On en a beaucoup parlé bah, quand on a vu bah, Tom Cruise sauter dans le vide. Mmh. Et, mais c'est tout. Oui. Par rapport à Barbie et Oppenheimer, moi, mon film d'actualité, laisse tomber sur Instagram, oui, c'est rose et puis c'est jaune. Enfin, rose et orange, et on n'a que ça. Oui. Mais oui, il s'est fait. Bah après, voilà, hein, c'est deux énormes films qui sortent le même jour, donc forcément. Puis deux trucs totalement opposés. Ah oui. Clairement. Donc forcément, ouais. Mission Impossible est arrivé juste avant, il s'est fait un peu effacer. Ouais, on espère quand même, voilà, qu'il va trouver son public. Il a fait un très bon démarrage. Hein. Ouais, très bon démarrage. Alors après, meilleur par rapport démarrage, aux autres. Je crois que c'est le meilleur démarrage de toute la saga. Hein. C'est possible, mais là, sur la durée, là, ouais, j'ai vu voir les chiffres au bout d'une semaine déjà. Il n'est pas dans celui qui a fait le plus d'entrées d'une semaine, en tout cas. Ah oui. Mais bon, peut-être qu'il va tenir sur la durée. C'est ça. Donc bon, à voir. Faudra voir, ouais. Affaire ouais. à suivre. C'est ça. Bien. Alors, comme à notre habitude, on vous parle d'un fait étonnant, d'un fun fact. Alors, je crois que tu nous as décoté quelque chose encore. Voilà, je pense que personne ne va connaître, mais seul toi, Aurore, tu as le secret. Ah, personne ne va connaître, j'espère qu'il y a quand le même film, certaines au moins. Personnes. Oui. Bah, le film, ouais, j'espère que certaines personnes quand même le connaissent. J'espère en tout cas. Je vais vous parler du film Erin Brockovich avec Julia Roberts. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Kevin, tu l'as pas vu, c'est alors, ça? Non, je ne l'ai pas vu, mais je vois globalement l'histoire et le sujet, oui. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, Julia Roberts joue Erin Brockovich, qui est une mère de 3 enfants. Dans une ville assez pauvre. Et en fait, elle va avoir un accident de voiture et elle va porter plainte contre la personne qui a causé l'accident. Et en fait, bah, du coup, pour pouvoir payer ses frais médicaux, sauf que cette personne va s'en sortir indemne et n'aura pas besoin de payer les frais médicaux. Et donc, du coup, son avocat va lui offrir un boulot d'archiviste. Et elle va tomber sur des archives, sur un dossier d'empoisonnement de la population. Et en fait, elle va commencer à enquêter sur ce sujet-là. Et en fait, donc le fun fact arrive dans une scène un petit peu après dans le film où elle se retrouve au restaurant avec ses enfants. Elle commande. Et en fait, la personne qui prend la commande, la serveuse, c'est la vraie Erin Brockovich. Donc voilà. Et juste derrière elle, il y a un vieux monsieur qui est en fait son avocat, Erin Brockovich, qui l'a aidé à faire l'enquête sur et faire le procès sur cette fameuse usine qui empoisonne les gens et la population dans cette ville. En fait. Et donc du coup, dans le restaurant, il y a les deux personnages iconiques qui ont permis ce film et cette histoire... Et de sauver aussi des milliers de personnes, et voire oui, des millions oui. de personnes. Ouais, donc joli clin d'œil en effet. Ils aiment bien hein, dans les films oui. comme ça américains bah quand, donner faire un petit clin d'œil voilà aux vrais héros finalement. Oui, voilà, c'est ça. Bien, bah en tout cas, voilà, à l'occasion, j'ose espérer le regarder parce que je pense que c'est quand même un film à voir. En plus, ce qui est, généralement, on se dit, ouais, c'est un drame, c'est une histoire vraie, en plus, il y a une enquête, tout ça. Mais en fait, il y a tellement d'humour et le personnage de Erin Brockovich est très, très franc et un franc-parler assez impressionnant. Et du coup, ça donne une certaine. Parce que, bah voilà, elle est d'un milieu défavorisé, elle est seule, elle a des enfants, tout ça. Et donc, du coup, tout le monde la prend un peu... elle pense qu'elle est idiote, qu'elle n'est pas capable, parce qu'elle n'a pas de métier, enfin, voilà. Et en fait, on se rend compte que non, elle est bien, bien capable, en tout cas. Et c'est moi, je sais que j'ai adoré ce film. C'est des films... Pas des blockbusters, hein. C'est des films qui ont bien démarré, fait démarrer Julia Roberts. Et donc du coup, dans ce rôle-là, en tout cas, elle joue extrêmement bien. Bien, donc Erin Brockovich, fait étonnant. Donc voilà, on verra si on en trouve d'autres. Mais voilà, je ne doute pas que tu vas nous en décoter d'autres pour les prochains épisodes, encore plus surprenants. Oui. Nous Nous arrivons donc sur la dernière partie. Comme vous le savez, on vous parle d'un film que nous avons adoré, donc en l'occurrence Mission Impossible 7. Et bien évidemment, il y a d'autres films qui sortent ou qui viennent tout juste de sortir. Alors toi, Aurore, quel est ton film, si t'en as un quand même à choisir, ou voilà, je sais que t'en as peut-être deux en tête, mais que tu veux absolument voir là dans les prochaines semaines? Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu les sorties d'août. C'est un peu... Il n'y en a pas beaucoup. Généralement, en août, ils ont un peu du mal à sortir des gros blockbusters. Ils les sortent plus en juillet. Et effectivement, en juillet, cette semaine, en tout cas, qui est sortie... je disais les deux films juste avant. Je ne sais pas ce que... Moi, j'ai besoin d'un avis. Je ne sais pas par lequel commencer. Donc Barbie et Oppenheimer qui sont sortis le même jour, tout le monde ils ont réagi en cascade, ils en ont énormément parlé de ce crossover. Il y a eu beaucoup d'affiches de films qui ont fait des crossovers avec, même des trailers et des teasers qu'ils ont fait, qui sont plutôt bien faits. Ils sont bien amusés. Ils sont vraiment bien amusés. Barbie, j'en parle à certains amis, ils me disent « Non, mais tu vas pas aller voir Barbie, quoi. » Je fais « Si, mais si, il a l'air incroyable !» Et effectivement, il est très bien noté sur Rotten Tomatoes, 91%, et j'ai vu ce matin 97% pour Oppenheimer. Ah oui. Sur 63 avis, donc bon, ça peut évoluer. Mais quand même, ça démarre très très très bien. Et comment dire ? Donc du coup, je ne sais pas lequel aller voir en premier. Moi, personnellement, je vais aller voir plus Oppenheimer en premier et Barbie après. Parce que Oppenheimer, de ce que je comprends, c'est vraiment le film 3 heures, mais faut s'accrocher quand même. Au niveau des dialogues, la musique, des images, je pense qu'il va falloir le digérer. Et je pense que pour le digérer, justement, Barbie, à mon avis, c'est bien. Même si j'ai quand même lu que Barbie, c'est pas le truc décérébré, débile, etc. Ouais. Comme ça pourrait le faire penser, mais... Là encore, a priori, il y a des sous-textes et bien plus profonds. C'est quand même Greta Gerwig, donc bon. Déjà, c'était assez surprenant de la voir à la réalisation par rapport à ses précédents films. Donc, pour moi, dans cette logique-là, moi, en tout cas, ça serait plus Oppenheimer puis Barbie. Mais après, Moi, je pensais à l'inverse. Je me suis dit, justement, Barbie et finir par Christopher Nolan, quoi. Voilà. Oui, je me dis, par l'apothéose. C'est ça, je me dis, bon... J'imagine le côté où ça va être compliqué, mais je suis déçue par Barbie, tu vois, finir par ça, je me dis tu vois, c'est pour ça que je suis un peu à double penchant par lequel je commence. tu nous diras ça dans un prochain épisode. En ce qui me concerne, donc forcément je vais aller voir donc Barbie et Oppenheimer. Alors sur le mois d'août, en effet, il y a peu de blockbusters. Après, il y en a un qui sort vraiment fin août. C'est Equalizer 3 d'Antoine Fuqua avec Denzel Washington. Alors moi, personnellement, j'adore cette saga. Denzel Washington, de toute façon, déjà acteur exceptionnel. Donc Equalizer, il faut savoir que c'était une série à la base. Il y a quelques années, peut-être bien maintenant 10 ans, parce qu'il se passe du temps entre chaque épisode. Denzel Washington a pris le rôle de Robert McCall et c'est super. Alors là, pour le coup, peut-être que niveau scénario, c'est pas comme du Mission Impossible, c'est beaucoup moins élaboré, mais alors on a le charisme de Denzel Washington, sa stature, il joue extrêmement bien son rôle et on prend un plaisir monstre à le voir, entre guillemets, dégommer du méchant, mais pas de façon outrancière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est qui travaille de façon très millimétrée, qui est très organisé. Il déclenche sa montre quand il va faire quelque chose. Il pense à plein de choses, en fait. Ouais. Donc, c'est le gars qui est force tranquille. Mm-hmm. Et justement, derrière cette force tranquille, on a quelqu'un qui est très réfléchi, qui se débrouille très bien dans le combat, etc. Tu as déjà vu un Equalizer, Agathe ? Aurore ? Agathe, n'importe quoi. Moi, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Agathe. Aurore Agathe, voilà. C'est ton deuxième prénom, sans que je ne le sache. Non. Non ? Non, j'ai jamais vu, non. Non. Eh bien, écoute, si tu as l'occasion, pourquoi pas ? Parce que pour le coup, le premier, il est très, très bon. Ouais. Le deuxième, il est un peu en deçà. Ouais. Donc, j'ose espérer que le troisième va relever un petit peu le deuxième. Mais le premier, vraiment, c'est... Super. Enfin, voilà. C'est à voir. Donc, un film de plus à ma liste. Voilà, un film de plus à ta liste. En plus, c'est la fin d'une trilogie. Donc, oui. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Ben voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Ouais. Voilà, donc on a parlé de Mission Impossible, donc allez le voir, hein, il va rester un moment à l'affiche, hein, oui, de toute façon. Oui, souvent. Comme souvent. Erin Brockovich, voilà, très bien d'avoir remis en avant ce film, qui date un petit peu, hein, il a bien peut-être une trentaine d'années, facile. Oh, oui, parce oui. que c'était, comme tu disais, dans les débuts au cinéma de Julia Roberts, et puis bah, voilà. Oppenheimer, Barbie, on vous laisse faire votre choix. Hein. Voilà, nous, voilà, Aurore ira voir Barbie en premier, moi Oppenheimer, comme ça, on s'appellera et puis après, on ira voir l'autre et comme ça, on verra qui a eu raison d'aller voir tel ou tel film en premier. Et puis voilà, Equalizer qui vient clore la saga entamée il y a quelques années. Et ben, on se retrouve dans un prochain épisode d'Hockey Ciné. Voilà, c'était le troisième épisode. On vous dit à bientôt. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Nous, c'est toujours un plaisir d'échanger et de parler cinéma. Bien sûr. On pourrait en parler des heures. Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez en parler, on a créé un compte Instagram. Si vous voulez nous donner des fun facts, par exemple. Par exemple, donc, ouais. Donc, c'est OKAUKE_CINE. Donc, underscore, c'est le tiré du bas. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qu'on ne sont pas. Le donc, tiré c'est du 8. C'est la tout suite, voilà. C'est ça. Et pas la 6. Donc, en effet, oui, page Instagram, voilà, qui va démarrer tout doucement. Oui. Et puis, en effet, bah, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous soumettre des idées de films aussi, parce que même si on en voit beaucoup, on ne connaît pas tout. Hein. Il y a tellement de genres de films. Et bah, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.